Élégie. Peut-être un jour, sa voix tendre et voilée m'appellera sous de jeunes cyprès. Cachée alors au fond de la vallée, plus heureuse que lui, j'entendrai ses regrets. Lentement, des coteaux, je le verrai descendre. Quand il croira ses pas et ses vœux superflus, il pleurera. Ses pleurs rafraîchiront ma cendre. Enchaînée à ses pieds, je ne le fuirai plus. Je ne le fuirai plus, je l'entendrai. Mon âme, brûlante autour de lui, voudra sécher ses pleurs, et ce timide accent qui trahissait ma flamme, il le reconnaîtra dans le doux bruit des fleurs. Oh, qu'il trouve un rosier mourant et solitaire, qu'il y cherche mon souffle et l'attire en son sein, qu'il dise « c'est pour moi qu'il a quitté la terre ». Ses parfums sont à moi, ce n'est plus un larcin. Qu'il dise « un jour à peine il abordait la rive. Son vert tendre égayait le limpide miroir, et ses feuilles déjà, dans l'onde fugitive, tombent. Faible rosier, tu n'as pas vu le soir. Alors peut-être, alors l'hirondelle endormie, à la voix d'un amant qui pleure son ami, s'échappera du sein des parfums précieux, emportant sa prière et ses larmes aux cieux. Alors, rêvant au bien que ce monde nous donne, il laissera tomber sur le froid monument les rameaux affligés dont la gloire environne son front triste et charmant. Alors je resterai seule, mais consolée, les vents respecteront l'empreinte de ses pas. Déjà, je voudrais être au fond de la vallée. Déjà, je l'attendrai. Dieu, s'il n'y venait pas,